بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في سورة الرحمن في المسألة 77 بعد المئة في قوله تعالى 77 مسألة نعم في قوله تعالى يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران dans le sens où Allah dit qu'il enverra sur vous deux, c'est-à-dire les hommes et les djinns, un jet de feu et de cuivre ou bien alors de cuivre fondu ou bien alors de fumée. Ça dépend de l'interprétation. Et vous ne saurez point secourir. Verset 35. Naam. Et dans cette sourate, comme vous le savez, Allah Azza wa Jal s'adresse aux deux formes de mukallafin qui sont les hommes et les djinns. Qala rahimahullah ta'ala La yakhfa ma yasbiqu li dhihn min anna irsal shawadhi an-nar alladhi huwa lubhuha wal nuhas alladhi huwa dukhanuha أو النحاس المذاب وعدم الانتصار ليس من شيء منه إنعام على الثقلين وقوله لهم فبأي آلاء ربكما تكذبان يفهم منه أن إرسال الشواذ والنحاس وعدم الانتصار من آلاء الله أي نعمه على الجنس والإنس Donc il a dit n'échappe à personne que ce verset laisse entendre que le fait d'envoyer justement ces jets de feu qui sont les flammes ainsi que le cuivre fondu, ou alors la fumée, ça dépend du sens de nuhas, le cuivre fondu, et le fait qu'ils ne soient pas secourus, que cela n'est point une ni'ma d'Allah Azza wa Jal, ce n'est point un bienfait d'Allah Azza wa Jal pour les hommes et les djinns. Et pourtant, il dit, et donc, lequel des bienfaits de votre Seigneur allez-vous donc démentir? Lequel des bienfaits de votre Seigneur allez-vous donc démentir? Donc on pourrait croire que toutes ces choses-là font partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour les hommes et les djinns. Donc là, cela paraît comme étant incohérent. Qala wal jawabu min wajhayn. Ma réponse là de deux façons. Al-awwalu anna takrir fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhdhiban lit-tawkid wa lam yukarrirhu mutawaliyan li'anna takrirahu ba'd kulli ayatin ahsanu min takririhi mutalawiyan. وإذا كان للتوكيد فلا إشكال لأن المذكور منه بعض ما ليس من الآلاء. Donc il dit, première réponse tout simplement, que le fait qu'il y ait la répétition de lequel des bienfaits d'autres seigneurs allez-vous donc démentir, cela est juste là pour citer en guise d'affirmation, توكيد. Et que Allah Azza wa Jalla ne l'a pas répété à la suite, mais tout simplement qu'il est meilleur de le répéter après chaque verset, plutôt que de répéter à chaque fois la suite, et lequel des bienfaits d'autre Seigneur allez-vous démentir? Répétez le verset une fois après l'autre, après l'autre, après l'autre. Il est meilleur de citer cela après que Allah Azza wa Jal cite un autre verset. Donc si jamais ce verset est juste là pour le tawkid, l'affirmation, la confirmation, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Car cela n'implique pas forcément qu'ils veulent affirmer la chose qui l'a précédé. Ça peut être un tawkid pour autre chose. Ce qui ne veut pas dire que le verset qui précède celui-ci est en lien avec lui. Donc ça, c'est un wajh. Et sur ce wajh-là, il n'y a pas de problème. Wajh thani, anna fabi ayy alay rabbikuma tukadhiban, lam tuthkar illa ba'd dhikri, ni'matin, aw mu'idha, aw inzar, wa takhwif. Wa kulluha min ala illa illati la yukadhib bihi, aw biha, ila kafirun jahidun. Donc il dit maintenant, le deuxième réponse qu'on pourrait donner, c'est que ça parle dans le sens où il dit « Lequel des bienfaits d'autre Seigneur allez-vous démentir ?» Cela n'est cité justement qu'après avoir évoqué un bienfait ou une exhortation ou alors un avertissement et une chose qui fasse peur. Et toutes ces choses-là font partie justement des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, de ces signes, que seul un mécréant obstiné pourrait démentir, voudrait démentir plutôt. Il n'y a que lui qui se permettrait plutôt de démentir cela. Tous ces faits-là. Qala wa amma fi dhikr an-ni'ma fa wadih. Le fait que ce verset là vienne après an-ni'ma, c'est une chose qui est claire. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Amma fil maw'idha fa li anna al-wa'd talinu lahu al-qulub fa tahsha' wa tunib fa as-sabab wal-muwassil li dhalika min a'zam an-ni'am fa dhahara anna al-wa'd min akbar al-ala. Maintenant que le fait que ce verset-là vienne après une mou'idha, après une exhortation, Car, c'est quoi le lien qu'il y aurait? C'est que les ostentations est une chose qui adoucit les cœurs et qui amène à l'humilité et qui amène à un retour vers Allah Azzawajal. Donc la chose qui causerait ces sensations dans le cœur sont forcément un bienfait. Et parmi les plus grands bienfaits d'Allah Azzawajal, que tu entends un verset qui te rappelle qui adoucit ton cœur et réalise Zalika. Ça, c'est parmi les plus grands bienfaits d'Allah Azzawajal. Donc là-dessus également, il n'y a pas de problème. Qala wa amma fil inzar wa takhwif fa hadhihi al ayah fa fihi aidan a'zabu ni'matin lil 'abd liyana inzarahu fi dar ad-dunya min ahwal yawm al-qiyamah min a'zam ni'am illahi 'alayhi. Et maintenant, le fait que ce verset là vienne après un avertissement ou une chose qui fasse peur, c'est également parmi les plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jalla pour le serviteur. Pourquoi? Car il avertit en ce bas monde des choses qui pourraient lui arriver dans l'au-delà. Et cela est un grand bienfait d'Allah, et cela est parmi les plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jalla pour lui. Qala ala tara annahu law kana amam insan musafir muhlakatun kubra wa huwa mushrifun ala wuqu' fiha min ghayri an ya'lama biha faja'a insanun fa akhbarahu biha wa hadharahu min alwuqu' fiha an hadha yakunu yadan lahu 'indahu wa ihsanan jazihi 'alayhi jazaan akbar al-an'am aw akbar al-in'am. Donc ne vois-tu pas par exemple que si une personne devait partir en voyage et que sur son parcours il avait un grand danger, un danger majeur, et que lui s'expose à être atteint par ce mal, et qu'une personne vient sans s'en rendre compte, il sera atteint par ce mal sans s'en rendre compte, et qu'une personne viendrait pour l'informer de ce mal, pour le mettre en garde contre ce mal, pour lui dire attention, sur ton chemin il y a telle et telle chose, ou à tel endroit où tu vas il se trouve telle et telle chose, cela est un soutien pour lui, est une aide et de la bienfaisance qui mérite un remerciement. Donc cela est un grand bienfait également. Donc de là le fait que Allah Azza wa Jal cite des choses qui puissent te faire peur dans l'apparent car elles seraient nuisibles pour toi, c'est pour t'avertir. Et cet avertissement est un bienfait. Naam. Donc c'est comme cela que l'auteur a lié entre les versets. Wa al-'ilmu 'inda Allah ta'ala wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.